Dites-moi, brigadier. Mon lieutenant. Qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment? C'est la manufacture de tabac. On voit bien que vous venez d'arriver. Tout le monde la connaît ici. Ce sont des femmes qui travaillent là? Oui, mon lieutenant. 400. Mais on ne peut pas y entrer parce qu'elles sont toujours à moitié nues là-dedans. Surtout les jeunes. C'est pour ça que vous êtes tous là, les yeux écarquillés. À dire vrai, mon lieutenant, je ne fréquente pas ces filles-là. Ces sandalouses ne sont pas pour moi. Allons donc. Et puis, nous avons un faible pour les jupes bleues et les nattes blondes. Mon lieutenant a entendu ce que me disait Morales? Oui. C'est le costume de la Navarre. Ça me rappelle le pays. Vous êtes navarrais? Oui, mon lieutenant. Don José Lizarrabengoa, c'est mon nom. J'ai quitté le pays pour entrer dans les dragons. Cette jeune fille a été recueillie par ma mère. Elle s'appelle Micaela.